Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 6 mai ? Eh bien, par exemple, le 6 mai 1625, en Allemagne, le plan de Thomas Müntzer d'unir la révolte paysanne de Thuringe et d'en faire le noyau d'une révolution générale échoue en se heurtant aux intérêts particuliers et à la peur de la répression de la petite bourgeoisie locale. Petite bourgeoisie locale. 1525, encore, mais en France, le duc Antoine de Lorraine se met en marche contre les paysans révoltés d'Alsace, ceux dont il était question tout à l'heure. Il est à la tête d'une armée de 30 000 hommes, comprenant la fleur de la noblesse et de nombreux mercenaires. Ces troupes venues de France vont restaurer la féodalité dans l'Alsace paysanne révoltée. L'Alsace qui à l'époque était allemande, hein, 1525. Et eh bien oui, ils se sont fait rouler, hein, parce qu'arrivés à Saverne, ils étaient encerclés, les révoltés, par l'armée du duc de Lorraine, Antoine, qui leur a promis que s'ils se livraient, eh bien ils auraient la vie sauve. Hein, voilà. Qu'il ne arriverait rien de fâcheux, simplement, voilà, il fallait qu'ils se rendent. Alors, eh bien, ils ont cru à la parole de ce noble personnage, et ils se sont donc ils sont sortis de la ville, et lorsque le dernier est sorti, eh bien, ils ont été massacrés du premier au dernier. Voilà. Donc, il ne faut jamais croire à la parole des grands de ce monde. Ce sont des félons, ce sont des traîtres, ce sont des lâches, quasiment tous. Hein, à un moment ou à un autre, voilà. Hein, on sait qu'on sera trahi. 1914, Russie. Par exemple, quand on a cotisé pendant des années à la CFDT, un jour on se dit qu'on aurait dû faire autre chose avec l'argent. 1914, Russie, à Saint-Pétersbourg, Riga et Moscou. Manifestations et grèves de soutien aux députés socialistes exclus du Parlement. 1937, Espagne, à Barcelone. Le combat fratricide entre militants anarchistes et forces républicaines gouvernementales cesse. Dans l'autre camp, Franco, établi avec la bénédiction du Vatican. Une aumônerie militaire pour son armée. Voilà. Hein, bon, ben c'est tout, quoi. Hein, tout est là. Et même pire. 1949, Canada. Lecture de l'acte d'émeute à Abestos lors de la grève de l'amiante. 1968, France, le SNES, syndicat national de l'enseignement supérieur, et l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, lancent un mouvement de grève au quartier latin. Des manifestants étudiants et les forces de police se heurtent violemment. On compte près de 600 blessés et 423 arrestations, dont 31 seront maintenues. L'agitation universitaire gagne la province, heurts violents à Grenoble, débat dans un amphithéâtre à Montpellier. Alors, qui tapait sur qui, à votre avis ? Qui était armé, qui était entraîné, qui était payé pour taper sur les autres ? Bah, les étudiants, ils étaient là pour étudier, et ils manifestaient, mais pacifiquement, bien sûr. Eh oui, pour les empêcher de manifester, bah, on leur tape dessus, et bien entendu. Ah oui. 1984, Saint-Domingue. Arrestation d'une centaine de dirigeants politiques et syndicaux. Le 7 mai 1848, en France, l'Association des travailleurs du chemin de fer compte déjà plus de 2000 membres. Tiens, déjà en 1848, le chemin de fer posait problème à certains. 1848, Italie, à Turin, à l'initiative du typographe Vincenzo Steferione, 40 ouvriers fondent la Société des compositeurs typographes. 1917, France. Suite à l'échec de l'offensive du général Nivelle, le chien de Jean de Nivelle, il s'en va quand on l'appelle, des unités françaises refusent de rejoindre leur position. Des mutineries éclatent dans le 16e corps d'armée. En certains endroits, soldats français et allemands fraternisent. Voilà des gens qui étaient courageux, les uns et les autres, de vouloir arrêter cette guerre qui était une immense Henri, très sanglante. Hein, ah oui, 8 millions de morts en tout. 1917, Russie, à Saint-Pétersbourg, ouverture de la conférence bolchevique, dite conférence d'avril. 133 délégués y représentent 80 000 membres. Le mot d'ordre, tous les pouvoirs au Conseil, c'est-à-dire aux Soviets, est lancé. 1946, Grande-Bretagne. Les compagnies aériennes sont nationalisées. En 1946, en Grande-Bretagne, les compagnies aériennes sont nationalisées. Tiens. Vous voyez, la roue tourne. 1945, Vietnam. Le camp retranché français de Dien Bien Phu, sur lequel l'état-major français voulait attirer l'armée de Giap pour la briser, est submergé par les forces populaires. Les forces populaires, tiens. La présence française en Indochine s'achève, mais non la guerre. Ah non, elle a duré quelques dizaines d'années, 32 ans en tout, je crois, hein, avec les exploits des Américains. Les Américains n'avaient pas compris que si les Français n'avaient pas réussi, c'était pas eux même avec des bombardements massifs, comme ils ont fait, des défoliants, etc. Non, napalm, mais... Bah. 1968, France, à Paris, de 18h30 à 24h. Une marche de 30 000 étudiants est organisée par l'UNEF. La CFDT exprime la solidarité des travailleurs avec les étudiants. Tiens, en 1968, la CFDT, c'était un syndicat. Eh oui, c'était encore un syndicat, c'était encore un vrai syndicat. Eh oui, mais bon, depuis, la pommade est passée par là. 1982, USA, plus de 10 millions de chômeurs. Chiffre non atteint depuis 41 ans. Ah, aux USA aussi, ils ont du chômage. Tiens, on croyait que dans les pays vraiment 100% capitalistes, il n'y avait pas de chômage, puisque le libéralisme, c'est le mieux. Hein. Ah bah oui, il n'y a rien au-dessus du capitalisme intégral. Bah oui. 1983, Hongrie, à Budapest, manifestation du mouvement pacifiste indépendant, Dialogus. Elle sera suivie de tracasseries policières et aboutira à la fin de l'été à la dissolution de Dialogus, qui n'avait qu'un an et demi d'existence. Le 8 mai 1525, en France, non, en Allemagne, à l'époque. Hein, bon. Oui, il ne peut pas savoir, celui qui écrit ça, il était alsacien. Hein. En Alsace, les villes de Bebelheim, Ostheim, Mittelwehr et Unavir passent aux paysans révoltés. Mais bon, France, Allemagne, à l'époque, les gens qui se révoltaient, ben, c'était des travailleurs. Oui, hein, ben oui. L'international, dirait l'autre. 1838, donc le problème de nationalité, ça n'a pas grande importance. Les problèmes sont les mêmes partout. 1838, Grande-Bretagne, publication de la charte du peuple par le Working Men's Association. Cette charte va devenir un symbole et dynamiser l'agitation ouvrière qui se manifeste depuis un certain temps. Le mouvement chartiste qui commence est le premier événement important de l'histoire ouvrière, tant par son ampleur que par les thèmes qu'il développera. Les revendications sont avant tout politiques. Le suffrage universel, masculin, bah oui, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Bon. Le renouvellement annuel du Parlement, le scrutin secret, une indemnité parlementaire pour les députés, la suppression du sens d'éligibilité, l'égalisation des transcriptions électorales. Eh bien, ils ont demandé, les Britanniques, à cette époque-là, hein, 1838, ils étaient sacrément en avance. Hein. 1901, France, après 108 jours de lutte, vaincus par la faim, les mineurs de Montsou-les-Mines cessent le combat, 1200 d'entre eux seront licenciés. 1920, Allemagne, les ouvriers communistes forment des commissions de contrôle dans les postes et les gares pour empêcher l'envoi d'armes et de munitions aux anti-bolcheviques qui s'opposent à la révolution d'octobre. Vous voyez, la solidarité internationale des prolétaires, ça pouvait exister à certaines époques. 1933, Inde, Gandhi commence une grève de la faim de 3 semaines contre l'oppression des parias par le gouvernement britannique. 1936, Grèce. 500 000 travailleurs se mettent en grève pour protester contre la répression gouvernementale. Cette action sert au général Metaxas de prétexte pour instaurer une dictature militaire. 1937, Maroc, Clarté, journal du Parti communiste, lance un appel aux organisations politiques pour s'unir dans un front marocain. 1939, Espagne. L'Espagne quitte la Société des Nations. C'était ce qui a précédé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. 1943, USA. Une conférence à Hot Springs, dans le but de libérer le monde de la faim, aboutit à la fondation de la FAO, Food and Agricultural Organization. 1943, Pologne. 20e jour de la révolte du ghetto de Varsovie. Le siège des révoltés est encerclé par les nazis. Les responsables décident de se suicider. Rares sont ceux qui réussissent à s'échapper par une issue secrète de la casemate. Ghetto de Varsovie, des gens qui étaient encerclés, qui étaient affamés et qui étaient privés de tout, eh bien, ils ont trouvé la force morale de se révolter. Ah oui, c'était des insoumis, des vrais. 1945, Allemagne, déjà. 1945, Allemagne, les chefs militaires d'un pays totalement épuisé signent la capitulation sans condition. Environ 10 millions de personnes sont mortes dans les camps nazis. 26 millions ont été victimes des crimes nazis. 1949, République fédérale d'Allemagne. En tout, ça fait 73 millions de morts. Hein. 1949, République fédérale d'Allemagne, constitution de la RFA. Alors rappelons quand même, pour mémoire, qu'il y a actuellement en France, pays, 5e pays le plus riche du monde, il y a 6 millions de chômeurs. Eh bien, 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en 1932, en Allemagne. Vous savez ce qui s'est passé après, en 32, hein, les élections de 32, et puis les élections de 33, voilà, 73 millions de morts. Alors, il faudrait que nos gouvernants réfléchissent à deux fois avant de mettre beaucoup de vies en danger, sans doute, et peut-être la leur. 1949, donc République fédérale d'Allemagne, constitution de la RFA. 1963, Vietnam, le jour anniversaire de la naissance du Bouddha, l'armée tire sur une manifestation de fidèles bouddhistes, à Hue. Pourtant, s'il y a des gens pacifistes, c'est bien ceux-là. Hein. Ils revendiquent l'égalité religieuse, 7 morts et 14 blessés. Une crise qui va ensanglanter les villes du Sud commence. La population fait cause commune avec les bonzes. 1968, France, 9 départements de l'Ouest sont en grève pour la défense de l'emploi. À Paris, 20 000 personnes défilent au Quartier Latin, nombreuses manifestations en province. 1970, Australie. À l'occasion d'un moratoire sur la guerre du Vietnam, plus de 70 000 personnes manifestent à Melbourne. 70 000. Hein ? Voilà. Il y a des gens courageux, parfois, souvent. 1977, Salvador, la garde nationale mitraille une manifestation devant la cathédrale. 18 personnes sont tuées. 1981, Italie, chez Fiat, la coordination syndicale est convoquée pour établir une plateforme revendicative. On apprend que l'entreprise a décidé de mettre 78 000 ouvriers à Cassa Integrazione, ce qui équivaut à peu près au chômage technique. 1982, France. La célébration du 8 mai, supprimée par Giscard d'Estaing. Vous entendez ça? Supprimée par Giscard d'Estaing. Eh oui. Oh, il y a toujours eu des salopards en France, hein. Ouais, comme ailleurs. Et rétablie par François Mitterrand. non pas comme la célébration d'une victoire sur l'Allemagne, mais comme celle de la victoire de la civilisation sur la barbarie des fascismes. Le souvenir du passé peut éveiller des pensées dangereuses et la société établie semble redouter les compteurs subversifs de la mémoire. Alors, quelques petits slogans dans le genre 68. Année sans chômage, année sans Macron. Le chômage coûte cher à tous les petits. Le chômage rapporte beaucoup aux gros. Le chômage en 1932, c'est Hitler au pouvoir en 1933. Ayons le courage de nous prouver des marchands de chômage. Chômage des uns, richesse des autres. Robespierre contre le chômage. Ils ont beaucoup gagné. Ils vont tout perdre. Un fabricant de chômage de moins, c'est 1000 chômeurs de moins. Avec le chômage central, on les cuira tout l'hiver. Macron-Gattaz, chômage, misère. Le chômage, ça rapporte gros au gros. Pour éliminer le chômage, il faut éliminer les causes. Chômage, deux points. Mussolini, Franco, Hitler. Chômage des uns, richesse des autres. Pourquoi est-ce que les Daesh ne tapent jamais sur les gros, sur les riches? Pourquoi donc? Pourquoi? Pourquoi ils tapent toujours sur les petits, les Daesh? Bizarre quand même, non? Vous croyez pas qu'ils sont un peu manipulés par, je vous laisse deviner qui. 6 000 super riches, 6 millions de chômeurs. 1 pour 6 000. Le poids des mots, le choc des photos. Les tornades, c'est naturel. Pas le chômage. Amnesty International, Zambie par exemple, le chef du parti uni pour le développement national et ses 5 co-accusés ont été remis en liberté. Ils avaient été arrêtés en avril et inculpés de trahison. Il leur était reproché d'avoir bloqué le cortège du président zambien qui se rendait à une cérémonie traditionnelle dans la province de l'Ouest. USA, le 17 août. Un juge de l'immigration a ordonné la libération de Carlos, 4 ans, de Michael, 16 ans, et de leur mère, Lorena et Maribel. Les noms ont été modifiés afin de protéger leurs identités. Du centre d'hébergement du comté de Berks, en Pennsylvanie, après 700 jours en détention. Cette libération suit celle de deux autres jeunes garçons et de leur mère détenue pendant plus de 22 mois. Voilà, c'est beau les États-Unis, hein? Oh là là là. Puis alors, maintenant avec Bush, ça va être toujours de plus en plus beau. Ah oui, oui, voilà. Une reddition et pas un armistice. Comme nous avons pu le lire dans plusieurs journaux, les articles sur le 8 mai 1945 ont quelquefois reçu le titre d'armistice. Grave erreur, car si le 11 novembre 1918, il y a bien eu un armistice, suivi d'un traité un an plus tard, pour le 8 mai 1945, il ne s'agit en aucun cas d'un armistice, mais de la reddition. Reddition sans condition des troupes allemandes. Reddition sans condition des troupes allemandes. Qu'on se le dise. En mars, 36 vies épargnées sur les routes. Eh ben c'est bien. Les salaires de la CFTC, indignes de la Sécu. L'onde de choc de la révélation des salaires du patron de la CFTC. Tiens, je croyais qu'il n'y avait pas de patron dans les syndicats. Hein, bon, sauf dans les syndicats patronaux, bien sûr. Hein, c'est naturel. Mais donc, et patron de la CFTC, 54, Jacques Del Grande, et de la son numéro 2, Caroline Tikoczynski, continue à ébranler le monde syndical local. Voilà, 17 000 euros mensuels bruts pour l'un, ou au moins 13 000 euros bruts pour l'autre. Ça, c'est du syndicalisme, hein. 17 000 euros par mois. Hein, vous ne feriez pas du syndicalisme, vous, pour 17 000 euros par mois? Ah bah tiens, et comment on se laisserait faire, hein? Bah voyons. Le collège s'est trouvé une reconversion à la Bresse. En septembre, le collège des Boudières de la Bresse n'accueillera plus de collégiens. Il laisse sa place à la Maison de la Montagne, qui formera des saisonniers utiles pour le massif des Vosges. Eh ben, c'est du propre. Les collégiens au camp du Struthof. Dans le cadre du concours national de la mémoire et du civisme, André Maginot, les élèves du 3e du collège Julie-Victoire d'Aubier vont se rendre au camp du Struthof en Alsace. Alors, c'était au mois d'avril, donc ils sont déjà revenus. Osez dire non à ceux qui veulent exploser le service public de l'électricité et du gaz. Signez la pétition sur change.org, change.org. Oui, au service public gaz, électricité. Eh oui, oui, service public, ça marche. Quand ça commence à être privé, ça commence à décoller sérieusement. Saint-Nabord, Jacqueline Duchesne, présidente de l'association Histoire et Patrimoine, déclare « On aimerait accueillir plus de visiteurs ». Eh bien, entre nous, les expositions de cette association-là, c'est drôlement intéressant. Moi, j'y suis allé il y a quelques années et je pense qu'il faudrait retourner tous les 4-5 ans. Voir des expositions comme ça sur notre passé, sur ce qu'était la vie de nos ancêtres, et il n'y a pas si longtemps. Vincent Bolloré, et puis on risque de revenir à des choses telles que... Voilà. Vincent Bolloré mis en examen. L'homme d'affaires Vincent Bolloré a été mis en examen à Paris dans l'enquête sur les soupçons de corruption dans l'attribution à son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Son porte-parole n'a pas précisé les chefs d'accusation pesant sur le milliardaire de 66 ans qui a quitté le bureau des juges sans être placé sous contrôle judiciaire. 66 ans, il devrait être en retraite, non ? Et puis, bon, voilà, il faut lui faire cracher tout le pognon qu'il ne devrait pas avoir. Et on s'en servirait pour améliorer la condition de vie, par exemple, dans les hôpitaux. Hein ? Ah oui. Au Congrès, Macron répond à Trump. Devant les parlementaires américains, le chef de l'État a dénoncé le nationalisme, la guerre commerciale et la sortie de l'accord sur le climat dans une critique à peine voilée adressée à Donald Trump, qui s'est vengé en faisant arracher le lendemain l'arbre qu'ils avaient planté ensemble, parce qu'il faudrait, paraît-il, qu'un arbre, avant d'être planté aux États-Unis, il faudrait qu'il soit désinfecté de la tête aux pieds, ce qui n'avait peut-être pas été le cas. Ce Trump, il nous fera toujours rire jusqu'au jour où il nous fera râler pour de bon, hein. Parce qu'il est capable de tout, des pires âneries. C'est difficile de comprendre pourquoi le peuple américain avait voté pour un individu comme ça. Bon, maintenant, on disait ça du peuple italien qui avait voté pour Berlusconi. Et puis les Italiens disaient ça des Français qui avaient voté pour Sarkozy, etc. Les peuples, ils sont pas malins, apparemment. Ou alors, c'est qu'ils sont mal informés. Eh oui, Berlusconi, il est propriétaire de la quasi-totalité des chaînes de télévision, des journaux, etc. En Italie, en France, il y a 9 milliardaires qui possèdent la quasi-totalité de la presse orale, écrite, télé, etc. etc. Hein? Eh bien, voilà, ces gens-là fabriquent l'opinion. Et puis après, étonnez-vous du résultat aux élections. Un électeur mal informé, c'est un électeur qui va mal voter. Enfin, bien voter pour ces gens-là. Mal voté pour le reste de la société. Malgré les scandales, l'insolente santé de Facebook. Ah oui, Facebook continue à bien se porter. Affaire Bolloré. La Guinée va coopérer. La Guinée coopérera l'enquête en France contre l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry, a affirmé le ministre de la Guinée de la Justice, Cheikh Sako. L'industriel breton a été mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance et complicité de faux. Oh, c'est vilain ça. Eh bien, ce qui est vilain aussi, c'est la CFTC. Les deux responsables suspendus réunis en bureau extraordinaire, les instances nationales de la CFTC ont décidé de suspendre de leur mandat paritaire ces deux responsables de Meurthe-et-Moselle, Patrick Del Grande et Caroline Tikoczynski. Voilà, oui, bravo. CFTC, c'est encore pire que la CFDT. Eh ben, on est chouette avec des trucs comme ça. Locaux d'Anne de Solène mis aux enchères. Les locaux de l'entreprise textile Anne de Solène sont soumis à une vente aux enchères publiques le mercredi 6 juin prochain. La communauté de communes des Hauts-de-Vosges est très intéressée. Les radars pédagogiques. Ah, pédagogiques. Tout est pédagogique maintenant. Ah, oui. En soutien. Ah oui, les enseignants, il n'y a pas que qui sont capables de faire du pédagogique, de produire du pédagogique. Les riverains n'hésitent pas à faire appel à la police municipale pour qu'elle installe un radar pédagogique dans leur rue. La ville en dispose de 3, dont un qui s'attarde rue des États-Unis, zone à risque. Ah, il faudra en mettre un aussi à l'entrée de Remiremont sur la route qui vient du Val d'Ajol, tiens. Eh oui, bah, pas de jaloux. Ah bah, les dangers de la conduite sous influence. Plus de 500 jeunes de CFA entre 17 et 25 ans ont pris part à une opération de sensibilisation aux dangers de la conduite sous influence. Les assassins sont sur la route. Le nouveau document général d'orientation de sécurité routière vient d'être signé par le préfet des Vosges avec 7 enjeux nationaux et locaux afin de sauver plus de vies sur les routes. Les internes débarquent à Remiremont. En terre inconnue. Ah non, ils débarquent en terre inconnue. Ils ne savaient pas ce que c'était que Remiremont. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Et même en regardant sur une carte, ils n'avaient même pas remarqué qu'il y avait une ville qui s'appelait Remiremont. Et bien maintenant, ils sauront. Ils n'auront plus l'excuse de l'ignorance. Répartis sur les hôpitaux d'Épinal à Remiremont, 53 internes ont pris leur quartier ce mercredi. Pour la plupart, il s'agit d'une première fois dans les Vosges, un département rural qui tranche avec les villes où ils étudient. Qui tranche en quoi ? En quoi ? Mais pourquoi ils nous prennent ces scribouillards, là ? Les gens de la campagne, ils ont quoi en plus ou quoi en moins par rapport aux gens de la ville ? Hein, sans blague. Vous avez déjà vu conduire un enseignant ou un Parisien ? Tiens, allez, il y a de quoi se moquer quand même. L'écologie du quotidien peut créer 300 000 emplois. Attention, l'écologie du quotidien peut créer 300 000 emplois. Les mesures du gouvernement pour diviser par 2 le nombre de déchets non recyclés et contraindre à fabriquer des biens plus durables portent aussi une ambition économique. Par exemple, à Remiremont, eh bien, les poubelles, le camion de ramassage des poubelles ne passe plus qu'un jour sur 2. Avant, c'était 2 jours par semaine. Maintenant, ça ne sera plus qu'un jour. Et forcément, ben, ça va économiser du gasoil, ça va économiser des roulements, des freins, des embrayages, la mécanique, hein, des camions. Donc, les camions vont durer plus longtemps. Et puis, ça va permettre aussi de faire des économies sur les salaires et les charges qui vont avec. Pardon, par les charges, les cotisations sociales. L'union des deux polices fait la force. Ah, la police municipale et la police nationale avancent main dans la main. Ah, comme c'est mignon. Avancent main dans la main. Bientôt armées toutes les deux pour agir contre la délinquance. Alors il faudra qu'il y en ait un qui porte le flag à gauche et puis l'autre à droite s'ils se donnent la main. La signature d'une convention entre le préfet et le maire a officialisé l'union. Voilà. Hollande, il a commencé par un truc comme ça. Ça ne lui a pas porté chance. 1er mai, le gouvernement critiqué. Les violences qui ont émaillé la fête du travail mardi à Paris ont agacé de tous les côtés. Au total, 109 personnes ont été placées en garde à vue. Pour 43 d'entre elles, elle a été prolongée. Alors, ils ont été très étonnés de voir qui avait été placé en garde à vue. Ah oui, ils s'attendaient à trouver des loulous de banlieue. Eh bien non, c'était une clientèle à laquelle ils ne s'attendaient pas. Sociologiquement parlant, ils s'attendaient à autre chose. Et ben oui, et voilà. Hein ? Une autre époque, une autre France. Alors, en 1968, il y avait 48,7 millions d'habitants en France. En 2018, il y en a 65,7 millions. Mais si ça se trouve, on a triché. Si ça se trouve, on a fait venir des étrangers pour augmenter plus vite la population. Ah, on a peut-être triché. Ah. Chômeurs, 1968, il y en avait 500 000, 4,8% de la population. 2018, ça serait 3,5 millions, c'est-à-dire 9%, mais moi je dis non, c'est pas 3,5 millions, c'est 6 millions, parce qu'il y a des tas de chômeurs qui ne sont plus demandeurs, qui ne font plus de paperasse, puisque ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. On pourrait fermer la NPE tout de suite, ou Pôle emploi, ou comment vous appelez ça. Ça ne sert à rien. Alors ça ferait des chômeurs encore en plus. Hein, parce que les gens de Pôle emploi, ils font ce qu'ils veulent. Ils font surtout ce qu'ils peuvent. ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Que voulez-vous que, comment voulez-vous qu'un épicier qui n'a rien sur ses rayons vous vende quelque chose ? S'il n'a rien à vendre, il ne vend rien. Hein, ben, la IPE, c'est pareil. Hein, ils n'ont pas d'emploi à proposer, ben, ils n'en proposent pas, ce n'est pas de leur faute. Hein. Salariés sous le salaire minimum. En 1968, il y avait 2 millions et en 2018, il n'y a que 900 000. Ah oui, mais il y a tous les chômeurs. Hein, eh oui, qu'il faudrait faire entrer dans les calculs. Ouvriers, 1968, 21%. En 2018, 18%. Oh, il y a eu plus de robots que ça et plus de chômeurs que ça. Enfin, bon. Cadre supérieur, 1968, 4,3%. 2018, 17%. Alors là, laissez-moi rigoler. S'il y a autant de cadres supérieurs, alors là, évidemment. Eh oui, soyons pas mauvaise langue, mais quand même, hein, y a dit. Quelques titres, quelques bouts de revues de presse avant de passer aux enregistrements. De nouvelles règles européennes pour une meilleure protection de vos données. À partir du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données exigera de toute entreprise traitant des données personnelles de mieux les protéger. Ces règles s'appliquent à Facebook. Conformément aux nouvelles règles, vous devrez avoir votre choix concernant l'utilisation de vos données personnelles sur Facebook. Vous aurez à tout moment la possibilité de consulter, de télécharger et de supprimer vos données. Pour en savoir plus sur ces règles et sur la manière dont elles vous protégeront, veuillez consulter europa.eu/dataprotection/fr. Et c'est signé Facebook, c'est une page de publicité complète payée par Facebook. Contrôle technique, ce qui change le 20 mai. Contrôle technique, le grand rush. Ben oui, parce que les gens se précipitent pour avant que les prix n'augmentent, avant que ça soit encore plus sévère. À partir du 20 mai, une nouvelle directive européenne vient renforcer le contrôle technique. Les centres de contrôle spinaliens qui ne désemplissent pas préviennent leurs clients. Dans les garages, on s'y prépare aussi. Alors les centres autres que spinaliens aussi, sans doute, tous les centres vosgiens et les autres également. Un tremblement de terre ressenti dans le massif. Il était 23h, heure locale, dans la nuit du vendredi à samedi. Une partie des couches tard du massif ont ressenti un séisme qui s'est produit à la même heure dans les environs de la ville de Mülheim, en Allemagne, à quelques kilomètres de Mulhouse. Le tremblement de terre, d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter, n'a pas fait de dégâts, mais il a été ressenti par de nombreuses personnes dans le massif vosgien. Alors, est-ce qu'il a été ressenti, ce séisme-là, par les centrales de Katnum et les centrales de Fessenheim. Je ne parle que de celles-là parce qu'elles sont proches de nous. Hein, Katnum, ça fait en ligne droite, ça doit faire à peu près 100 km et Fessenheim environ 80 km. Hein, alors, ça serait intéressant qu'on sache, qu'on soit tenu au courant de ces choses-là. La France creuse encore un peu plus sa dette avec la Terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la France est aussi en déficit écologique. Nous avons consommé aujourd'hui tout le budget annuel mondial disponible en ressources naturelles. La transition écologique reste bien lointaine. Eh oui, on mange ce qui... on consomme des biens, des produits non renouvelables, ou renouvelables mais pas à la vitesse où on les consomme. Que reste-t-il de Karl Marx ? Visionnaire ou malfaisant, le philosophe allemand Karl Marx demeure, 200 ans après sa naissance, plus que jamais une référence incontournable. Ah oui, il faut lire l'extorsion de la plus-value, par exemple. Hein. Comment un employeur donne 50 pour... il fait travailler un ouvrier, cet ouvrier produit 100, par exemple, 100 euros. Hein. Eh bien, le patron, il dit, ben voilà, il y a 50 pour moi. Hein, et voilà, le salarié, il aura 50% de ce qu'il a produit. Oui, les 50% restants sont confisqués. Ah oui. L'infirmière Marie-Hélène Frottier passe des seringues au pinceau. Ah, ça fait moins mal. Marie-Hélène Frottier est désormais une artiste reconnue, expose à la taverne jusqu'à la fin du mois à Remiremont. Bourse. La bourse. Alors, des actions qui montent. Eh bien, il y a Adocia, plus 34,49%. Par contre, Air France KLM descend de 40,38%. C'est la photo gréviste, dira l'autre. Eh oui. CGG, je ne sais pas ce que c'est du tout, plus 30,50%. Alors, Ipsen, plus 33,78%. Etc. Voilà, vous voyez, c'est la loterie, hein, ça monte, ça descend. Technicolor, par exemple, c'est moins 50%. Eh oui, ouais. Tout ne marche pas tout le temps. Ben oui, on ne peut pas toujours gagner. Hein. Enfin, ceux qui jouent à la bourse ne peuvent pas toujours gagner. Hein, en 1929, il y en avait qui étaient milliardaires un soir. Et le lendemain matin, eh bien, on les voyait descendre de leur immeuble les 25 ou 30 étages, non pas par l'ascenseur, mais par la fenêtre. Ils s'étaient jetés par la fenêtre parce qu'ils étaient ruinés. Milliardaires le soir, ruinés le lendemain. Ah ben, c'est comme ça, le capitalisme, c'est un peu comme la roulette russe. Hein. On ne gagne pas à tous les coups. Hein. Norske Skog, sous pavillon anglais. Bah tiens, voilà un exemple hein, de ce qui se passe, de ce qui va se passer, de ce qui se trame. Même si cela a un peu traîné durant le mois d'avril, la vente du groupe papetier Norskog au fonds de pension anglais Oceanwood vient d'être actée. Les 7 unités de production, dont celle de Golbey, voient l'avenir se dégager. Eh bien, oui. Rappelons qu'il y a eu du matériel moderne, très moderne, installé récemment. Et puis, en même temps, on a distribué beaucoup de médailles du travail. Eh bien, la pluie de médailles du travail, c'est avant-coureur de mauvaises nouvelles en général. Les derniers combattants allemands tentent d'échapper à la colère des peuples occupés. 8 mai 1945, les capitales fêtent la victoire, sauf Berlin et Tokyo. 8 mai 1945, Hitler est mort. Le maréchal Keitel signe la capitulation de l'Allemagne nazie. Symbole de la liberté retrouvée, les chevaux de l'armée sont démobilisés. Avril 1945. L'Allemagne nazie est prise en tenaille. À l'est, l'armée rouge avance vers le fleuve de la dernière résistance, l'Elbe. Les Allemands refluent de l'autre côté de la rive pour échapper à la vengeance des Russes qui ont eu 20 millions de morts dans cette guerre sans merci contre les soldats d'Hitler. Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle. Ensuite, vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers. Pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui dans le monde ont lutté, bâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France! Sacré de lui soutient un aubre vengeur. De liberté terrible, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous notre drapeau que la victoire accourt à tes mâles accents. fusil rouillé qui cligne de l'œil aux fenêtres sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le quand Paris est en danger, et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté, et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière après la tempête. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8 mai 2014, devoir de mémoire, devoir de commémoration. Canal NAF a voulu, 69 ans plus tard, mettre à l'honneur cette date synonyme de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation allemande. Certes, pas assez évoqué en Europe, il y a également l'autre 8 mai 1945 qui est cette fois-ci malheureux et tragique, orchestré par le début des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, ou la répression sanglante des émeutes nationalistes survenues en 1945 faisant plus de 45 000 morts et 20 000 blessés dans le département de Constantine en Algérie. Tout cela durant la période coloniale française à l'occasion de manifestations qui visaient à réclamer l'indépendance du pays et la libération du chef du Parti populaire algérien, Misali El Hadj. Nous allons voir si la population marseillaise se souvient des deux 8 mai 45. On va voir. 8 mai 45, oui. Une date importante, qu'est-ce que cela vous évoque ? Eh bien alors moi, ce que cela m'évoque, c'est mon père, papa, qui a été fait prisonnier par les Allemands et qui est resté 5 années enfermé dans les camps. Il mesurait 1,90 m et il pesait 40 kg. On lui donnait à manger des épluchures de pommes de terre. Et quand il est revenu de la guerre, comme vous imaginez bien, l'homme avait changé. Il a été meurtri. Il a dû être opéré, il a eu un accident pendant la guerre. On n'oublie pas, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a aussi, je voulais vous parler de l'autre 8 mai 1945, qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Vous étiez au courant ? Un peu moins, mais oui, quand même, oui. C'est les massacres de Sétif, peut-être un devoir de mémoire par rapport à la France et bien l'Algérie. Bien sûr, c'est mais important. Là, moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde, à nouveau, se réconcilie. Pour... C'est important aussi, ce travail de mémoire que la France doit effectuer par rapport au massacre. Absolument, je viens d'y aller, mais alors j'étais étonnée, parce que je dis, on ne parle que du massacre des Algériens, on ne parle même pas de mon père et des collègues qui sont tombés pour la France. Là, alors j'étais... Voilà, j'étais étonnée. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je vienne à l'autre commémoration. Donc j'ai fait les deux commémorations. Vous avez bien fait. Mais entre-temps, j'avais un malaise. Il faut réunir une seule commémoration, réunant les deux, je pense que c'est important. Voilà. Parce qu'il ne faut pas diviser. Mon ami, c'était un ancien Algérien. Voilà. Un ancien Algérien ? Voilà. Après, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Hein. Hein, personne veut me parler du 8 mai 45. Ah, j'ai parlé trop vite, alors, peut-être. Hein? Non, c'est pas ça. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a l'8 mai 45, l'autre 8 mai 45, en parlant de l'Algérie, le massacre de Sétif. La reddition de l'armée allemande. Les migrations, les ressortissants algériens de France, ils ont participé, ils étaient le moteur de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, si on voit pendant les élections présidentielles, 5 ou 6 chaînes algériennes présentes sur le territoire pour couvrir l'événement, et c'est malheureux aujourd'hui, notre histoire, elle est délabrée, elle est humiliée, elle est déracinée dans l'histoire, dans les écrits et dans les archives, et c'est malheureux que ces médias, ils viennent même pas pour l'honneur de l'histoire et les massacres de Kharata. Les crimes de guerre qu'il a commis en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, elle n'a jamais investi sur nos ressortissants. 4,5 millions d'Algériens en France, ils font le poids plume par rapport aux Arméniens qu'ils ont poussé le Parlement français à condamner la Turquie. Alors aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise, il faut l'Algérie nous donne une oreille, il faut qu'elle nous écoute, il faut qu'elle mette le paquet, il faut qu'elle investisse sur nos ressortissants, elle investit pratiquement sur la communauté algérienne en France. Aujourd'hui, on parle d'une communauté algérienne en Australie, qu'elle représente quoi, 12 familles, et on oublie les 5 millions d'Algériens de France. Mon souhait aujourd'hui, avant de parler, avant que de mettre la France, qu'elle reconnaît tout ça, on s'organise autant qu'Algériens pour écrire notre histoire, et avec notre histoire, on peut condamner tout le monde. Un jour là-bas, dans le vent a tourné. Un jour là-bas, ton amour t'a quitté. Tes yeux là-bas, revoient toujours ce train. Ce dernier train, partant vers le chagrin. Le ciel ce sera comme avant. Alors c'était comme un manège, pour toi sera ta chanson. Bonjour à tous, je suis Ben de l'émission Nota Bene et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter le premier épisode d'une série de programmes dédiés à la propagande que j'ai réalisé avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Allez, c'est parti pour un épisode sur la propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Il arriva un jour du mois d'août dans ce Paris fiévreux, à peine sorti des barricades, qui s'arrêtait de compter ses morts pour lui crier sa ferveur. Il rapportait cette victoire qu'on avait cru perdue et dont le premier, au 18 juin 40, il n'avait pas désespéré. Et puis, à ce peuple meurtri que l'ennemi pendant 4 ans avait humilié pour mieux la servir, il rapportait cette chose immense et merveilleuse, la liberté. Au lendemain de la guerre, tout est à reconstruire. Les vies et les familles, les murs et les toits, les routes et les ponts. Mais il faut surtout reconstruire la France, une certaine idée de la France. Une page blanche est ouverte sur laquelle un récit reste à écrire. Et comme souvent, les mots de ce récit seront ceux du pouvoir. Il faut alors commencer par dire que la France de Pétain n'a jamais été la France. Le gouvernement de Bordeaux avait choisi la capitulation. La France avait choisi la continuation de la résistance dans l'Empire. 3 ans de lutte ont prouvé que c'était la France qui avait raison. Un nouvel imaginaire politique est à construire. C'est la condition de l'Union nationale encore fraîche. Mais une chose ne change pas. La production de ces images d'actualité qui sont diffusées dans les cinémas et qui sont encadrées par le pouvoir, comme sous l'occupation en fait. 1er mai, fête du renouveau. Fête des jeunes, organisée par le Secours National et réunissant plus de 200 000 enfants dans les différents cirques, stades et cinémas parisiens. Le 1er mai, ce jour symbolique pour le mouvement ouvrier, avait alors été travesti par Vichy. La fête du travail devenue fête de jeunesse était une des pièces de la propagande au service de la révolution nationale. Cette révolution, conservatrice, centrée sur le travail, la famille et la patrie, avait été souhaitée par une partie des Français, même avant la guerre. Ces Français étaient effrayés par une autre révolution, celle prolétarienne et marxiste qui avait éclaté en Russie quelques décennies auparavant. L'occupation allait être pour ces Français conservateurs l'occasion, là aussi, de redéfinir ce que devait être la France. On en gardera le muguet qui, sur ordre de Pétain, viendra remplacer l'églantine rouge que s'offraient jusque-là les travailleurs. On garde les dates, on change le récit. Autre récit, celui que l'exposition « Le Juif et la France » donne de la guerre et de la défaite et qui semble également directement dicté par le pouvoir. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. Si certains Français résistent à la propagande fusil à la main, d'autres ont choisi d'orchestrer depuis Londres un travail de contre-propagande. Radio Londres abrite alors la voix de celles et ceux qui ont choisi la France libre. Et parmi eux, Pierre Dac, un chansonnier, qui s'emploie à force de parodie à railler le pouvoir vichiste et celui des occupants. Comme dans cette chanson où il tourne en ridicule les soldats allemands qui reculent sur le front Est, mis en difficulté par l'armée rouge. Un jour Adolf Hitler, se promenant sur le Dnieper, a dit « Je vais vous montrer que j'ai du flair ». J'ai compris tout à coup que la défense avant tout devait être montée sur caoutchouc. Pour motiver les troupes, il est important de dire et de répéter que l'ennemi est faible, qu'il recule, qu'il tremble. Suivi la chose éclair de 15 pas en arrière. Durant la guerre de 14, on peut lire dans les journaux français que les balles allemandes ne tuent pas, que leurs obus sont en toc. Chaque victoire est glorifiée et chaque défaite devient un recul tactique. Ça aussi, c'est de la propagande de guerre. Et les alliés ne se privent pas d'en user à leur tour, notamment pour nous offrir leur récit de la bataille de Normandie. Partout, les soldats alliés sont reçus comme des amis par les Français qui ont conscience d'être toujours restés dans la guerre malgré Vichy et l'armistice. Les Français font tout ce qu'ils peuvent pour aider l'avance alliée. L'offensive n'a jamais été facile. Si l'ennemi n'a pu utiliser tout de suite ses forces blindées, il possède tout de même plus d'un quart de million d'hommes dans le Cotentin. Quelques jours après les premiers débarquements, les Alliés avaient déjà fait 10 000 prisonniers, dont les qualités combattantes de la vie des vétérans de la 8e armée ne sauraient se comparer à celles des soldats de Rommel en Libye. De dures batailles devront encore être livrées. Mais l'armée allemande se bat depuis plus de 4 ans et elle a été terriblement affaiblie par la succession des défaites de Russie. Du côté allié, par contre, les troupes utilisées sont des troupes fraîches. L'enjeu est double. Il s'agit ici de repeindre la France collaborationniste en France résistante, mais également d'encourager les Français à se rallier à leurs libérateurs et donc à combattre ces troupes nazies fatiguées et incompétentes. Le reportage mentionne les 10 000 soldats d'ores et déjà capturés. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il reste encore, rien que dans le Cotentin, près de 250 000 Allemands qui, eux, n'ont pas abandonné. Autant dire que la faiblesse des troupes d'Hitler n'est pas encore tout à fait évidente. Pour gagner une guerre, il faut d'abord gagner les cœurs. Et ça, le général de Gaulle l'a très bien compris. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe occidentale, qui dominait le monde, est en pièces. Son prestige est amoindri, tandis que celui de l'URSS et des États-Unis n'a jamais été aussi éclatant. La France a perdu cette image de puissance invincible qui lui avait permis de dominer les peuples d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tout l'enjeu de la résistance, après que les Américains rentrent en guerre, et que la victoire devient possible, c'est de reconstruire, de redonner une cohésion, pas seulement à la France, mais aussi à son empire. Alors, à Dakar, l'Afrique occidentale française acclamait son enthousiasme aux troupes de la liberté. À notre infanterie coloniale et à nos pompons rouges, comme aux marins et aux aviateurs d'Angleterre, et comme aux soldats des États-Unis. Cette savante mise en scène montre avant tout des foules blanches issues de l'administration coloniale. Dira-t-on que ces acclamations sont commandées ? Oui, commandées par le cœur. En novembre 1940, les Allemands faisaient abattre à Reims le monument aux Sénégalais tombé pour la France. Eh bien, si l'Allemagne avait gagné la guerre, il aurait fallu abattre aussi à Abidjan le monument aux morts de la Côte d'Ivoire, parce que, pour l'Allemagne raciste, les Noirs n'ont pas droit aux honneurs des guerriers. Dans l'Empire colonial français, c'est la citoyenneté qu'on leur refuse. Mais le pouvoir colonial promet tout de même que l'homme africain sera désormais une préoccupation de l'Empire. Un empire qui jusque-là se souciait davantage de l'économie et des ressources. C'est ce que le général de Gaulle appellera le nouveau chemin. Il est allé ce chemin, rejoindre loin au nord celui de la 8e armée. Il est passé par Tunis et nous savons déjà où il aura son terme. Il est l'un des chemins des hommes libres. Ce récit tiendra bon quelques années encore. Puis éclatera la guerre d'Indochine, la révolte de Madagascar et la guerre d'Algérie. Et s'en sera fini de l'Empire et de ses belles histoires. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Ils aimaient le tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas et distillent l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. Dites à présent que c'est mon oncle gourd, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 dessins. C'est le jour de la fête à Macron, grande manifestation contre la politique du chef de l'État organisée par le député de la France Insoumise, François Ruffin, une manif qui se veut belle et festive. Dans les rues de Paris, plusieurs milliers de personnes ont répondu présentes. Le cortège est parti de la place de l'Opéra, direction la place de la Bastille. Dans quelques instants, Jean-Luc Mélenchon, le député phare de la France Insoumise, va prendre la parole. Image, vous le voyez en direct. L'implication politique éclate aux yeux de tous. Voici qu'à l'appel d'une force politique que rien n'épuise, à l'appel d'une situation que rien ne lassera de ses combats, une nouvelle fois, un immense élan populaire se dessine. Mes amis, il y a 227 ans, jour pour jour, s'ouvraient les États généraux qui ont jeté à terre l'ancien régime. Et voici à nouveau le peuple tout entier dans sa révolte, devenant un peuple révolutionnaire par ses objectifs qui se rassemblent et portent haut et fort les mots de son combat. Salut aux cheminotes et aux cheminots qui sont en lutte. La France populaire vous aime et vous dit merci pour votre combat au service du pays tout entier et des transports publics. Vous n'êtes responsable ni de la dette, ni des innombrables dysfonctionnements qui résultent de la mauvaise gestion de ceux-là même qui sont encore aujourd'hui au pouvoir dans l'entreprise et au gouvernement, qui sont les seuls responsables de ce désastre et prétendent en plus venir dire ce qu'il faudrait faire. Salut aux employés d'Air France qui sont obligés de recourir à ce combat si dur pour obtenir ce que leurs collègues ailleurs obtiennent dans la tranquillité du débat. Salut aux femmes et aux hommes d'Air France qui, par leur vote déterminé, ont obtenu la victoire du premier référendum révocatoire en entreprise. Salut aux hospitaliers, femmes et hommes des services d'urgence et de soins et des EHPAD. La France vous aime et elle vous dit merci pour vos efforts, pour votre travail, pour chacun d'entre nous qui vous doit la vie ou la santé, pour les enfants que vous avez aidés à mettre au monde et pour ceux dont vous avez tenu la main quand l'heure était venue d'éteindre la lumière. Salut aux enseignants qui permettent à la France d'être la grande nation instruite. À chaque jeune femme, chaque jeune homme, de commencer sa vie non en mendiant un emploi, mais en mettant au service de la patrie son savoir-faire, son intelligence, sa culture. Les enseignants ne sont pas responsables des échecs que l'on peut constater ici ou là. Ils sont au contraire responsables des immenses succès qui ont permis à ce pays de se hisser si haut dans la qualification technique, le savoir-faire, l'intelligence, le service à autrui. Salut aux étudiants, à leur lutte, à leur détermination et parfois à leur folie inventive, car c'est bien cela qu'on attend de la jeunesse, et non pas qu'elle marche ou qu'elle pense au pas qu'à danser. Salut aux postiers qui ont été si méchamment et cruellement réprimés pour les services qu'ils vous rendent. aux avocats, aux magistrats, bref, à toute cette immense fonction publique grâce à laquelle ce pays se tient debout. Oui, et aux salariés, femmes et hommes organisés, syndiqués, politisés, mis en mouvement, qui défendent, et ils ont raison, leur droit à une vie digne, avec un salaire décent et avec un métier respecté. Que cela soit dit, au moment où l'on nous préparerait un changement de société, une sorte de retour à l'ancien régime, où ceux qui ont beaucoup, et même plus que tout, trouvent anormal qu'on leur demande de payer. Comme hier, la noblesse voulait bien que tout le monde paye sauf eux. Voici les fraudeurs du fisc, les fuyards qui nous narguent. Après s'être gavés comme des tiques, et bien encore, qui s'enfuir, qui optimiser, qui tricher et arracher à la nation 80 milliards par an de fraude, sans compter ceux qui, en se cachant, croient échapper au devoir commun. Le jour venu, quand nous aurons à décider, nous, alors nous créerons l'impôt universel qui fait que même en enfer, ils paieront leurs impôts. Ils participeront au bien commun, parce qu'on ne peut pas être heureux autrement que tous ensemble, les plus forts se préoccupant des plus faibles. Il n'y a pas d'autre loi possible dans la société humaine que l'entraide, la coopération, le refus du chacun pour soi et enfin la douceur de vivre ensemble en ayant soin des autres. Nous sommes ceux qui croient à l'État. Nous croyons au bien commun, nous croyons au service public. Nous croyons au monopole, notamment le monopole du rail, car la concurrence, comme dans bien des domaines, n'y apporte rien que le désordre, la pagaille, les dépenses inutiles. Nous croyons que les barrages doivent rester publics. Nous croyons que les réseaux d'électricité doivent rester publics. Nous croyons que les réseaux des chemins de fer doivent rester publics, que l'école doit rester publique et que le monopole est souvent le moyen de l'efficacité. Alors, d'où viendrait-il que les ignorants qui ont été incapables pendant des années de compter combien il y avait de berceaux, au point qu'ils sont devenus incapables de compter combien il y aurait de lycéens et combien il y aurait d'étudiants, au point qu'aujourd'hui il y a bien plus d'étudiants que de places dans les facultés, d'où vient que les ignorants qui sont responsables de cette situation, j'ai nommé M. Blanquer, ancien directeur de l'enseignement public, qui a organisé la suppression de 12 000 postes d'enseignants, soit maintenant le ministre qui prétend dire comment on doit organiser l'éducation nationale qu'il a lui-même désorganisée. Nous sommes un rassemblement joyeux et souriant à l'image du monde que nous voulons fonder. Nous sommes un rassemblement qui condamne la violence, et d'abord la violence verbale des tout-puissants, ceux qui ont dit qu'il y avait dans les gares des gens qui n'étaient rien, ceux qui ont traité le peuple travailleur de fainéants, d'illettrés et d'alcooliques. Nous sommes ceux qui protesteront toujours contre la violence sociale d'un monde dans lequel on proteste pour une vitrine brisée, mais où on n'a rien à dire pour 500 personnes qui meurent sur leur poste de travail du fait d'un accident du travail. C'est nous, paysans, qui protestons pour vous contre la violence qui fait qu'après avoir utilisé des produits qui vous rendent malade, il y a parmi vous, tous les trois jours, quelqu'un qui se pend

Nous sommes donc mi-2017 et le candidat Macron prend position sur une question assez épineuse, celle de la colonisation. Et là je vais le citer, hein. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains ont voulu faire cela en France il y a 10 ans, et jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis ces gestes. Jusque-là, il faut l'admettre, moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Ça fait du bien de revenir un peu sur cet épisode assez douloureux de notre histoire et de celle des pays qu'on a colonisés. Cependant, Macron a à peine prononcé sa phrase que certains politiques de droite et d'extrême droite se mettent à réagir de façon assez virulente. Par exemple, François Fillon déclare que la France n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord, un petit peu comme Florian Philippot, hein, qui rappelle les routes, les écoles, les hôpitaux, et puis la culture française qu'on a laissée là-bas. Eric Woerth, quant à lui, ira jusqu'à qualifier les propos de Macron d'irresponsables, et il ira même plus loin en prétendant qu'il salit l'histoire. On a donc ici deux visions de la colonisation qui s'affrontent assez brutalement. Deux visions au service d'une idéologie politique, et c'est pour ça que j'ai eu envie de creuser cette question de l'utilisation de la colonisation dans le discours politique. Alors on entend par-ci par-là, hein, que les positions de Macron ne font que culpabiliser les Français, ressasser un passé qu'il est inutile de ressasser et créer des divisions. Mais pour moi finalement, c'est la première fois que dans ma tête, Macron dit quelque chose de sensé. C'est la première fois que j'ai envie d'aller dans son sens. En tout cas, c'était jusqu'à ce que je connaisse ses prises de position en novembre 2016 sur le même sujet de la colonisation. Et là, je le recite, hein. Oui, en Algérie, il y a eu torture, mais aussi l'émergence d'un État, de richesse, de classe moyenne. C'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Oui, donc là c'est quand même assez étrange puisque 3 mois auparavant, il tient un discours qui est finalement contraire à celui qu'il tient aujourd'hui, et il tient un discours qui est finalement celui de ses détracteurs aujourd'hui. Alors on peut se dire, bon, c'est de la politique, et c'est peut-être pour ça, hein, parce que Macron tout simplement cherche à brasser large et à récolter des voix là où il peut. Hein. Tout simplement, il va chercher les électeurs là où ils sont, c'est-à-dire ici, un petit peu à gauche de ses positions politiques traditionnelles. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet en reprenant la dernière déclaration de Macron sur la naissance d'un État algérien grâce à la colonisation. Et là, c'est assez drôle ou pas, en fait, hein, puisque c'est totalement l'inverse. Alors, si vous suivez Mathilde Larrère sur Twitter, si c'est pas le cas, allez-y, c'est une historienne vraiment fort intéressante. Et assez régulièrement, quand il y a des polémiques ou des politiques qui se servent de l'histoire pour servir leurs propos politiques, eh bien, Mathilde Larrère réagit, et souvent réagit, je trouve, avec pas mal de bon sens. Et ce qu'elle explique à Macron, eh bien, c'est effectivement que c'est l'inverse. Il faut considérer que la colonisation a fait de l'Algérie un département français. Et donc, ce qui a fait de l'État algérien un État, c'est la décolonisation, ce qui est vraiment pas la même chose. Concernant le reste de la phrase, il contrebalance les effets négatifs de la torture en Algérie par la création de richesses, d'une classe moyenne. Bref, il va dans la continuité de ce que dit Florian Philippot sur la création des routes, des écoles, des hôpitaux que les bons Français ont amenés au peuple algérien. Sylvie Thénault, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est historienne, a pas mal travaillé sur la question de la colonisation de l'Algérie et de sa guerre d'indépendance. Et elle le dit elle-même, finalement, c'est assez glauque de vouloir comparer, mettre dans des cases, compter les points, finalement, de ce qui est positif et négatif, de mettre en face la torture, les violences, comparé à la création d'infrastructures. On peut pas dire que pour chaque acte de discrimination, chaque torture, chaque vie prise, que ce soit d'un côté comme de l'autre dans le conflit, hein, on peut pas dire oui, mais en échange, on a créé un hôpital, donc c'est quand même pas mal. Hein. Et c'est bien là le problème, finalement, c'est cette notion de positif et de négatif qui sont pas dissociables, hein, pour être clair. Et pourtant, on essaye de nous faire passer l'idée que cette colonisation peut avoir du positif, que le rôle de la France dans cette affaire est positif. Au-delà du fait que, comme le dit si bien encore une fois Sylvie Thénault, la colonisation c'est une appropriation illégitime par la force d'un territoire et de son peuple, vous pouvez d'ailleurs aller voir mon épisode sur la conquête de l'Ouest, hein, c'est à peu près le même topo, hein, le même schéma, eh bien on a aujourd'hui une vraie volonté de positiver cette colonisation chez toute une partie du corps politique français. Et ça, bah, ça date pas d'aujourd'hui. En 2005 a été votée la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Alors au-delà du titre un petit peu vague et pas rassurant, on a en fait un article qui dispose « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. » Donc là, on légitimait déjà le fait que la colonisation soit positive. Et ça a provoqué un tollé général parmi les historiens, hein, vous l'imaginez bien, ce qui fait que le 15 février 2006, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, eh bien, cet article a été abrogé. Et pourtant, ça n'empêche pas un certain paternalisme positiviste, hein, comme je vais l'appeler, toujours présent chez certaines figures politiques françaises à l'égard de l'Afrique. En 2007, lors de son célèbre discours de Dakar, Nicolas Sarkozy disait ainsi « L'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. L'homme africain n'est pas encore assez rentré dans l'histoire. » Ça a fait grincer quelques dents et on comprend bien pourquoi en fait. On reproche à l'Afrique de trop se tourner vers le passé et de ne pas assez se concentrer sur son avenir. Alors que ses richesses, bah, il faut bien le dire, hein, c'est avant tout des puissances d'Europe centrale comme la France, comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui les ont prises. Henri Guénaud, qui avait écrit les discours de Sarkozy à cette époque, il avait en fait un peu le même discours que Fillon a actuellement, hein, souvenez-vous, sur le fait que la France ne doit pas se sentir coupable ou n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture à des pays en Afrique, en Asie ou en Amérique du Nord. Et Henri, il dit même « L'héritage de la colonisation est aussi le vôtre. » Il s'adresse aux Africains. Il y a tous les crimes, mais il y a aussi les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, l'universalisme. En gros, pour moi, tout ça, c'est ni plus ni moins que les justifications de la colonisation de l'époque. Hein. On imposait notre mode de vie, notre vision du monde, nos conditions marchandes, etc. Alors, pour se dédouaner de la phrase choc de ce discours de Dakar, hein, le fait que l'homme africain n'est pas encore assez rentré dans l'histoire, Henri Guénaud a dit que c'était une référence, une espèce d'hommage à une citation d'Aimé Césaire, qui disait qu'il fallait laisser rentrer le peuple noir sur la scène de la grande histoire. Sauf qu'à... Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi, ma peine. Je comprends qu'on leur court un défaut. que l'on passe sa vie à t'attendre quand tu chantes. Je chante avec toi, liberté, dans la joie ou des larmes, je t'aime. Macron à l'Élysée, le casse du siècle, un film anticipé à notre discussion ce soir avec Sophia Chikirou. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous étiez la directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle. Bonsoir. Quel moment, oui, Sophia Chikirou. Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec l'idée de hold-up, finalement. Je me dis, ça décrit bien une bande de voyous qui s'organisent parfois à la limite de la loi, hein, l'utilisation de sa position au ministère de l'économie. Ça a été assez commenté avec l'affaire Las Vegas pour organiser sa pré-campagne dans un premier temps avant d'organiser sa campagne. Donc c'est une bande de voyous, comme ça, c'est votre documentaire donne cette impression. J'exagère vraiment la comparaison par rapport à... Après tout, il parle bien de casse, ça ne t'a pas choqué. Alors c'est des voyous qui organisent des casses. Ça prend un autre sens. Ah, dans ma bouche. Mais bon, voilà, on a cette impression-là d'une espèce d'organisation par une petite bande. Et on se dit, bah, qui est la victime? Alors, dans votre film, c'est Hollande, la victime. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que la victime, c'est le peuple dans cette affaire. Parce que vous passez un peu à côté aussi des puissances de l'argent, de l'oligarchie qui est derrière la candidature d'Emmanuel Macron. On a l'impression que victime dans cette affaire, c'est pas Hollande qui après tout est là, après Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, on se disait, mais il n'est pas le premier à réussir un coup, Macron. Avant lui, Sarkozy avait aussi réussi un coup. C'était il y a 10 ans. C'était un petit peu différent. C'était un coup face à l'époque à De Villepin. Et puis Jacques Chirac finissait quand même son quinquennat. Donc, en tout cas, il avait aussi réussi un coup. Celui d'essayer de s'emparer du pouvoir. Ah oui, s'emparer. Non, mais tout le monde se présente à une élection présidentielle pouvoir. Oui, c'est le jeu de la prise de pouvoir. Là où c'est différent, c'est de parler d'un hold-up. Donc moi, je dis, qui est la victime? Dans votre film, la victime, c'est Hollande, si je comprends bien le film. Ou alors, je suis passée à côté. Mais j'ai cette impression-là. Moi, je vous dis, non, la victime, c'est pas Hollande. Philippe Besson. La victime, pour moi, c'est le peuple dans cette affaire. Une bonne analyse de la situation à ce moment-là, un peu celle que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est celle du dégagisme. Absolument. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. On sent que c'est l'année, c'est la présidentielle où les partis politiques traditionnels vont dans le mur et c'est maintenant qu'il faut, il faut s'organiser autrement. Les deux font la même analyse et les deux se structurent. Mais c'est même plus que ça. Je pense qu'au fond, les trois candidats, parce qu'on peut y rajouter Marine Le Pen, les trois candidats qui ont théorisé cette idée du dégagisme, en tout cas, le vieux monde c'est fini, il faut se débarrasser de pratiques qui ont échoué, etc. Et qui sont Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron au centre et Jean-Luc Mélenchon à gauche ou à extrême gauche. En tout cas, non mais il y a cette idée que ces trois candidats-là ont fait 60% des voix. Donc les Français, effectivement, ils avaient envie qu'on envoie au calendrier grec ces gens-là et qu'on les renvoie à leur carrière. D'avoir eu des commanditaires du CAS, du fameux CAS, puisque pour reprendre la métaphore, les commanditaires, vous n'en parlez pas dans votre documentaire, mais au dernier moment, les commanditaires jouent un rôle assez important. Dans les 15 derniers jours de campagne, on voit... j'ai une critique des médias que j'assume complètement. 90% des médias appartiennent à 9 milliardaires dans le pays. Ces gens-là sont plutôt sympathiques. Hein. Pendant toute une année, ils ont fait des unes à la gloire de Macron, de ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il pourrait être. Ils ont fait des débats aussi dans les classes. Jean-Luc Mélenchon a été très présent À ce moment-là, le nombre de unes que la presse écrite, diffuse, etc. Ça ne et donc pas. Les 15 derniers ça jours, pas, voilà, les 15 derniers jours jouent énormément. Il y a quand même... Moi, ce que j'appellerais les commanditaires du CAS qui, à ce moment-là, jouent leur partition, apportent ce qu'il faut à Emmanuel Macron pour lui permettre de se dégager, en effet, de ce mouchoir. En revanche, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans les réseaux sociaux, dans le pays profond, qui ne s'était pas passé avant. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, une campagne se faisait à la télévision. Il y avait une espèce de côté grand-messe, etc., et avec les grandes chaînes TF1, France 2. Il s'est passé que les petites chaînes, dont la vôtre, ou les réseaux sociaux... Non, mais les petites chaînes au sens... Pardon. Je veux dire par là celles qui ne sont pas les chaînes historiques. Faites gaffe, les chaînes historiques. Voilà. Ont infusé quelque chose de différent. Ne serait-ce que d'ailleurs les débats que vous avez faits avec tous les candidats. Donc, je pense que ça s'est joué autrement cette année. C'est-à-dire que c'est ce qui fait une des grandes différences de cette campagne. Non, mais il a réussi à fédérer une classe sociale. Il l'a très bien fédérée. Il s'est adressé à elle tout le long. Il lui a parlé. D'ailleurs, dans votre documentaire, certains le disent, parlent de s'adresser à une classe de riches, de gens éduqués, etc., etc. C'est ce qu'il a réussi, Macron. Indéniablement, il est président. Il a fédéré sa classe dans cette campagne présidentielle, et c'est cette classe-là qui l'a mené au pouvoir. Voilà. Mais n'allez pas quand vous parlez de pays profond en parlant d'Emmanuel Macron, je crois que c'est pas une analyse tout à fait exacte de ce qui s'est passé Quel regard vous portez depuis le camp de Jean-Luc Mélenchon au cours de cette campagne sur ce candidat ancien ministre de l'économie qui est là, qui se retrouve face à votre candidat, puisque j'imagine bien que dans chaque camp, on observe aussi ce que font les autres et comment fonctionnent les autres campagnes. Eh bien, moi, dès novembre, dès qu'il est candidat, je crois que nous, on se dit qu'il arrivera au deuxième tour. On se dit assez tôt, on se dit c'est le candidat du système. C'est lui qu'ils ont choisi cette fois-ci. On pense que Hollande ne s'en sortira pas. On attend de voir ce que le PS va donner. On attend de voir s'il va choisir entre Valls ou à ce moment-là, on pensait plutôt Montebourg, même si on voyait sur les réseaux sociaux notamment que Hamon montait. Mais à ce moment-là, on se dit que c'est lui qu'il faudra affronter, c'est Macron. Et vous mettez en place des idées spécifiques ou des choses spécifiques pour lui? Le programme était déjà fait, mais à ce moment-là, il est le candidat libéral. Pour nous, il est un candidat qui va jouer le centre-droit, le social-libéralisme, le libéralisme, tout paraît évident, mais il apparaît comme clairement le candidat du système, celui qui va être porté, soutenu. On commence à voir les choses se mettre en place. On pense à ce moment-là que sa principale gêne sur son parcours, sur sa trajectoire, c'est Fillon. Mais c'était avant les affaires, donc on pense que c'est sa droite qui va lui poser problème et qui risque de lui barrer la route. Et quand Fillon commence à s'effondrer, là, on se dit que tout est permis pour nous face à Macron. Ouais, ouais. Et c'était serré jusqu'au bout, hein, ce que rappelait Jérémy Trésor, jusque dans la toute dernière ligne droite. Voilà, c'est vrai que vers la fin, effectivement, il y a si on avait réussi, on aurait appelé ça une révolution, pas un hold-up. c'est le média qui aurait fait le film, c'est pour ça. Certainement. Là, donc, c'est BFM. Normal. Mais en l'occurrence, c'est vrai que vers la fin de la campagne, effectivement, à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon est en face vraiment d'Emmanuel Macron. Avec Marine Le Pen, évidemment, les deux. Oui, c'est vrai. Et on se souvient qu'y compris François Hollande à l'Élysée, depuis l'Élysée, s'inquiète énormément de voir un deuxième tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Exact, et ça dure à peu près une quinzaine de jours ou une bonne semaine, pendant laquelle un certain nombre d'observateurs, mais y compris des responsables très haut placés, se disent le président de la République lui-même, qui avait dit pourtant qu'il ne se mêlerait pas de la campagne présidentielle, il considère que c'est un danger pour le pays. Soyons clairs, il considère que c'est un danger pour le pays. Il le dit, il le fait savoir. C'est vrai. C'est pour ça que finalement dire que Macron aurait fait les choses sans finalement la complicité ou le soutien ou même la passivité de Hollande. D'une certaine façon, sa passivité, son refus de s'y opposer, peut-être parce que Hollande s'est dit ça ne sert à rien, ils l'ont choisi. De toute façon, ils ont décidé de me remplacer par lui, d'une certaine façon. Moi, je pense que dans cette affaire, les jeux de système ont permis la désignation de Macron, lui ont facilité la trajectoire. En même temps, il a profité d'un contexte politique. Je pense que c'est un très bon stratège politique. Je pense vraiment que Emmanuel Macron, il ne faut pas le sous-estimer dans sa capacité à réagir, à agir, à anticiper les coups, etc. Il est très bon. Il bénéficie d'une indulgence dont Sarkozy lui-même n'a pas bénéficié. Moi, je le compare beaucoup à Sarkozy parce qu'il y avait au départ cette arrivée tonitruante, etc. Et je suis là un an après son élection. Je me dis, mais cette indulgence générale, encore cette semaine, quand on voit sortir certaines choses concernant son entourage, le concernant lui-même, on se dit, bon, il y a une sacrée indulgence. Rosa Luxembourg a 43 ans quand elle comparaît devant la justice allemande pour avoir appelé les ouvriers à ne pas prendre les armes. Née en Pologne, sous domination russe, dans une famille juive assez aisée, c'est à Varsovie qu'elle rencontre l'antisémitisme. Il y a des quotas d'élèves juifs à l'entrée au lycée. Il lui faut être plus brillante que les autres, mais brillante, elle l'est. Elle poursuit des études d'économie politique à Zurich et obtient un doctorat pour sa thèse sur le développement industriel de la Pologne. Elle entre en politique en rencontrant Léo Jogiches, un militant lituanien, et fonde La Cause ouvrière, journal militant de la social-démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie. Elle rejoint l'Allemagne en 1890 et y contracte un mariage blanc pour éviter l'expulsion. Elle s'installe à Berlin et noue des contacts avec les socialistes. Rosa maîtrise parfaitement la pensée marxiste, mais garde une approche très humaniste de la lutte. Elle s'oppose au dirigisme et au centralisme démocratique de Lénine, se montre hostile au mouvement nationaliste et à l'insurrection armée. En février 14, au cours du procès, elle se défend avec passion et éloquence et gagne en popularité, mais elle récolte un an de prison. Dans notre série sur l'évocation des événements de mai 68, c'est sans doute le sujet le plus important que nous abordons ce soir puisqu'il s'agit de slogans, des slogans de l'époque, les seuls qui soient vraiment restés dans l'histoire comme « Il est interdit d'interdire », « CRS-SS » ou encore « Sous les pavés, la plage ». Gérard Dalmaz, Jean-François Chevet. Pavé dans la mare, la France ronronnait mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Printemps 68, la kermesse de la révolte. Les murs fleurissent d'impertinence, hurlent leurs provocations. Victoire de la force des mots sur la force tout court. Quelques slogans sont inscrits dans la mémoire collective mondiale, surtout dans les parages de la Sorbonne. Est-ce que vous vous souvenez des slogans de mai 68 ? Pas du tout. Pas du tout. Aucun ? Non, sous les pavés la plage, voilà. Ah ! Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris. Quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Premier jour de mai, premier pavé. Des lanceurs se font chercheurs. Mots d'ordre et graffitis en tout genre. Le jus de crâne devient talon. Au bistrot du coin, deux copains se creusent la boule pour trouver des idées. L'un est publicitaire en herbe, Bernard Fritsch. L'autre, futur médecin, Bernard Cousin. Ensemble, ils griffonnent des formules. D'abord, il y a de l'herbe sous les pavés. Et puis, l'étincelle. Voici d'ailleurs le brouillon authentique de la version définitive par son auteur, le bon docteur Cousin. On avait une idée de quelque chose qu'il fallait récupérer avec le pavé, quoi. Donc on est resté là. Ensuite, il y a eu toute cette défense du Boire Saint-Michel avec les arbres abattus et puis le sable en dessous. Et il m'a dit, il faut mettre la plage. La plage, ça lui plaisait. C'est la grande époque du Claude Med. Puis quelques jours après, alors je suis incapable d'en rappeler combien, j'ai écrit sous les pavés la plage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une virgule bleue, parce que visiblement, il n'apprécie pas du tout la forme. Et pour faire la césure, j'ai rajouté une virgule bleue. Voilà. Et finalement, c'est celui qu'il a gardé, et il a beaucoup aimé ce truc, il a écrit absolument partout. Il l'a bien écrit 100 fois, hein, Fritsch. Sur les murs ? Sur les murs, partout, partout. Vive la compagnie républicaine de sécurité. Des dizaines de slogans, beaux ou stupides. Romantisme de la rébellion. Papa, qu'est-ce que c'est la compagnie républicaine de sécurité ? Chut, tais-toi. Mais il me semble que c'est interdit d'interdire, et puis... pas d'entrave à la jouissance. Faites l'amour, pas la guerre. CRS-SS, bon, d'accord, ok. Enfin, rien que le fait de le dire, c'est désagréable. Et CRS ? CRS ? SS. Voilà, c'est ouais. Ça ce que vous voulez entendre ? C'est... Parfait. C'est douloureux, hein. Slogan iconoclaste par des fils de pub qui ne le savaient pas encore. Mélange explosif du choc des mots avec l'art poétique. Jacques Séguéla a commencé sa carrière en mai 68. Le viol que doit être un slogan a une poésie, a un romantisme, a une profondeur, a un lyrisme que la publicité oublie trop souvent. Et puis ça n'était jamais infantile parce que il est interdit d'interdire, c'est simple mais pas simplé. Sous les pavés, la plage, c'est du Prévert. Séguéla et sa bande ont signé ce tag. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Le parfum de mai demeure. 68 a lancé des bombes de mots restant d'actualité et même des jouets pour Noël 68, slogan à l'appui. Il y a une maxime qui dit « La barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Voici le pavé. »